Lettre 91e, Théophanie à Junia Marcella, Lauriacum, mai 304. Depuis 6 mois, je suis dans une autre partie du monde, loin, bien loin de toi, mon ami, et de ma patrie. Le climat n'est point ici comme sous le ciel de l'Asie mineure. On ne respire point cet air suave et balsamique nous apportant, au travers des bosquets verdoyants, le parfum de 1000 fleurs. Le ciel n'est pas toujours serein ici comme à Nicomédie. Une nature âpre, sauvage, mais non moins ravissante, m'entoure. Elle ne m'est pas aussi étrangère qu'à mon Agathoclès. J'y fus déjà habitué sur les bords du Borysthène, mais ce pays est loin de manquer d'attrait. Il y en a aussi aux grandeurs d'une nature inculte et au silence qui règne dans les contrées solitaires. Un esprit porté à la réflexion, à une douce mélancolie, peut s'y perdre plus que dans les riantes contrées où le ciel verse à pleine main ses bienfaits sans exiger le travail de l'homme. Ces provinces, qui ne sont pas depuis longtemps sous la domination romaine, portent partout l'empreinte d'une nature agreste, et qui ne sera rendue fertile qu'à force de peine. Il viendra sans doute un jour où le froment et les pampres décoreront ces collines fertiles, mais à présent le pauvre habitant retire à peine ses premiers besoins. Tout le pays est couvert de montagnes, à l'exception de la contrée qui s'étend au-delà du grand fleuve et qui est moins montueux. Lauriacum est situé dans une plaine où coule l'Anasus, dont le cours bruyant et resserré entre des bois et des rochers, formant différentes belles cascades, vient enfin s'étendre tranquillement dans la plaine ouverte de tous côtés. Plus bas, on voit le grand fleuve, le Danube, dans lequel l'Anasus se jette. Quelle image, Junia! Il ne jouit que peu de temps de son cours paisible. Ses ondes sont à peine réchauffées par les rayons du soleil qu'elles se confondent avec les eaux d'un fleuve immense qui le prive à l'instant de son existence et de son nom. Hélas, combien de mortels ont le même sort? Lorsque le malheur cesse de les poursuivre, lorsque leurs justes désirs sont accomplis et que leur course pénible n'est plus entravée, la mort est là, prête à les atteindre, à les arracher du sein de leur bonheur d'un instant. Mais c'est pour leur en donner un plus durable dans une autre vie. Agathoclès a fait avec moi plusieurs courses dans les contrées sauvages, d'où sort l'Easus et plusieurs autres petites rivières qui se jettent aussi dans le Danube. Une route à peine praticable remonte le cours de ces eaux et montre aux voyageurs les vallons d'où elles sortent, le chemin qu'elles ont pris pour s'étendre sur la terre et les profondeurs dans lesquelles elles se frayèrent un cours pour parvenir enfin, de rocher en rocher dans la plaine, ne laissant sur leur bord qu'un étroit sentier où l'on ne marche pas toujours sans danger. De temps en temps, des bois immenses, où l'âge du bûcheron n'a jamais pénétré, vous reçoivent sous leur ombre hospitalière. Au milieu du printemps, les sommités des montagnes couvertes d'une neige éternelle vous disent leur prodigieuse élévation. Des torrents se précipitent de ces hauteurs avec un bruit effrayant. Alors, tout à coup, un vallon délicieux s'offre aux yeux fatigués de toutes ces horribles beautés. Au milieu des bosquets naturels et des rochers menaçants, une source d'une eau pure et limpide forme une nappe argentée, où les chamois viennent se désaltérer et les oiseaux aquatiques se jouer sans la moindre crainte. Aucune trace d'homme ne se montre, on n'entend que le bruit des feuilles, le murmure des eaux, et quelquefois le cri d'un animal sauvage. On est seul avec la nature, qui nous protège par sa force toujours agissante, et l'idée d'un Dieu créateur et conservateur vient encore embellir nos sensations. Son auguste présence nous paraissait plus visible encore dans ces sanctuaires élevés. Les chênes centenaires étendent au loin leurs branches et forment un temple bien plus digne d'admiration que ceux élevés par la main des hommes. Tout y respire la grandeur, la simplicité, le recueillement et la puissance. Ces objets influent naturellement sur notre âme, et je sens que je suis bien plus sérieux ici qu'à Saint-Yom. Le ciel est souvent triste et nébuleux. Les brouillards qui s'élèvent des rivières et des bois s'envolent en formant les figures les plus extraordinaires, s'arrêtent au milieu des montagnes, le soleil ne peut plus les dissoudre. Peu à peu, elles se réunissent et forment une masse obscure et grisâtre qui cache l'azur du firmament ou se répandent dans longues pluies sur la terre encore froide. Des jours tels que ceux-là assombrissent aussi notre esprit, sans que nous en sachions nous-mêmes la raison. Mais de plus, les événements journaliers ne doivent pas contribuer à nous égayer. Il s'est passé des scènes horribles. De tous côtés, on entend le récit de persécutions cruelles contre les chrétiens. il semble qu'on se fasse un devoir d'abuser de la force et de la puissance. On ne parle que de la cruauté, de l'esprit de parti, et des peines, des vexations, des tourments, des exécutions même que l'innocence et la faiblesse ont à souffrir de leurs bourreaux. De tels tableaux ne sont pas faits pour nous réjouir, ni nous tranquilliser, lors même que nous vivrions dans le plus beau pays du monde. Ce sont donc les hommes, ce sont nos semblables qui nous font aimer ou haïr cette terre. Un couple heureux tel que nous le serait en habitant un désert, si du moins nous pouvions fermer notre cœur sur les mots de nos frères. J'ai fait ici la connaissance d'une jeune personne vraiment intéressante et qui me convient parfaitement. Elle ne m'était pas tout à fait étrangère. C'est cette Valérie, fruit d'un amour secret de Dioclétien, né et élevé en Bretagne. Je me ressouviens de t'avoir écrit une partie de son histoire telle que Constantia me l'avait racontée. Une douleur profonde est répandue sur son beau visage, dont la blancheur éclatante est très rarement animée par un léger coloris. De grands yeux bleus se meuvent lentement sous de longs cils de soie, et la couleur de ses yeux et celle plus foncée de ses cils réfléchit agréablement sur la blancheur de son teint. Sa taille, haute et déliée, n'annonce aucun orgueil. Sa tête charmante, ornée de cheveux blonds naturellement bouclés, retombe constamment sur sa poitrine, dans une attitude penchée, abattue, dont la grâce est indéfinissable. Toute sa contenance, tous ses mouvements annoncent le chagrin qui la mine. Elle ressemble à un bolis que l'orage a frappé et dont les feuilles retombent vers la terre. Elle m'intéressa dès la première fois que je la vis. Depuis 2 ans, elle n'a eu aucune nouvelle de son instituteur, de son ami. Il lui a défendu de lui écrire. Ses ordres sont pour elle une loi. Elle respecte sa volonté aussi ponctuellement que les apôtres suivaient celle de notre Seigneur. Son image, son souvenir sont gravés dans ce jeune cœur qui lui appartient en entier. La religion, l'amour, les vertus exaltées, tout le feu d'un premier et unique sentiment embrase son âme et se peigne dans tout ce qu'elle dit. Chrétienne fervente et zélée, elle est aussi attachée à la doctrine de notre Seigneur qu'au conseil de son ami. Ses parents d'adoption l'ont amenée ici par l'ordre de son père. Depuis qu'elle a quitté son île chérie, dont elle ne parle que les larmes aux yeux, sa vie s'est passée d'un lieu à un autre, faisant partout des séjours très courts. Elle s'est résignée au sort malheureux qui la poursuit. Depuis que plusieurs tentatives de s'échapper ont été découvertes, elle en a conclu qu'une force supérieure veille sur elle et ne permet pas une fuite, qu'elle est à présent trop faible pour entreprendre. Du reste, elle aime ses parents adoptifs, qui l'ont affligée bien malgré eux, et forcée, contre leur propre inclination, de suivre les ordres de son père. Puisqu'elle ne peut pas vivre pour son Florianus, elle préfère encore rester avec ceux qui ont toujours pris soin d'elle. Elle me disait l'autre jour que le sentiment qu'elle éprouvait pour eux et la crainte de les affliger la préservaient du désespoir. Je vois dans l'avenir des événements de bien grande importance pour elle, dont elle ne se doute pas encore. Agathoclès sait que Florianus est en chemin pour venir ici et se rendre ensuite à Salone auprès de Constantin. Je suis incertaine si je dois l'apprendre à Valérie ou bien avertir ses parents de la retirer d'ici avant l'arrivée de Florianus. J'éprouverai une peine bien douloureuse en la perdant. Je me suis habitué à sa douce société. Nous nous convenons et je suis sûr qu'elle m'est extrêmement attachée. Je ne te parle plus de mon bonheur domestique. Tu sais qu'il est aussi complet qu'il est possible de l'imaginer. Un charmant petit garçon de 2 mois resserre encore nos liens. Agathoclès, ma chère Junia, est aussi bon père que tendre époux et fidèle ami. Quand je le vois presser notre enfant contre son cœur, il ne me reste rien à désirer pour cette vie que de prier Dieu de me conserver le bonheur dont il daigne me faire jouir dans toute sa plénitude. Adieu, mon ami.